Audiomatic. Le concept de durée temporelle se voit toujours remis en question lorsqu'il est confronté à la prise de possession de l'espace par la musique. Les secondes n'existent plus, et seules les notes et les silences semblent délimiter le temps qui passe à travers nos récepteurs sensoriels. Au cours des dernières minutes, ou plutôt des dernières mesures, vous avez pénétré l'espace temporel d'Audiomatique, qui vous impose sa propre cadence pour la 42e fois, avec en amorce l'artiste allemand Oliver Leeb et son projet LSG, qui nous présentait sa composition El Tiburon de l'album Into Deep, paru en 1999. La musique électronique constitue la principale raison d'être des électronistes. Sans elle, nous ne serions pas ici en ce moment et vous n'y seriez pas non plus. Tout est question de circonstances, de hasard ou de choix, de rencontres fortuites avec des artistes avec qui nous établissons une connexion, que cette connexion soit spirituelle, émotionnelle, intellectuelle ou tout simplement musicale. Chose certaine, la musique électronique est la raison de cette connexion qui fait qu'ici, maintenant, vous partagez avec les électronistes la composition Soft Sands du projet Ghost. take hold of our young. They cut out our tongue. Oh, how we are deceived. We're strong and we're free. And as they sharpen their swords, we follow their lead. And what we swallow, that we become. And we are what we allow. But we wake with bright eyes now. Ours is a white lie's town. But we wake with bright eyes now. Ours is Le projet Genetic Selection de l'artiste Boris Casper concluait cette séquence musicale avec la pièce Infected Scientist, pièce tirée de son deuxième album Darwin's Voyage, publié en 2005. Avant Genetic Selection, nous entendions Sunlux et une pièce tirée de son nouvel album Bones, soit la pièce White Lies. Cet album a, soit dit en passant, trouvé une oreille attentive auprès des électronistes qui suggèrent d'y porter attention si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Et en début de séquence, c'était le projet Ghost, dont le nom s'écrit entre parenthèses. La pièce Soft Sands que nous avons écoutée se retrouve sur son premier album intitulé Departure et sorti en 2013. À Audiomatic, nous désirons maintenant souligner un retour sur disque après 16 ans d'absence, soit le retour attendu de Left Field. We'll be right back.

de changement. C'est fou. 89. Vous étudiez à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la prochaine session? Vous êtes présentement à la recherche d'un logement pas très loin et près des différents services? Eh bien, Habitation Populaire du Québec offre des logements abordables qui conviennent à la réalité des étudiants. Près de vos besoins, contactez-les dès maintenant au 819-374-2586. Ils auront la solution à vos recherches. Habitation Populaire, 1160 Terrasse Turcotte, Trois-Rivières. Au 819-374-2586. De diversité. C'est fou, 89.1. Précédemment, à la pause publicitaire à Audiomatique, c'était le trio brooklynois Oui, W-E, de qui nous entendions la pièce Protons de leur deuxième album Square Root of Negative One, paru en 1999. Oui ne nous a malheureusement plus rien offert depuis leur troisième album, Disentertainment, lancé en 2000. Et parlant d'une absence prolongée sur disque, nous commencions ce bloc avec Left Field de qui, de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, était un duo, et qui, depuis 2010, est maintenant le projet solo du Britannique Neil Barnes. Il nous offrait la pièce Bad Radio, qui ouvre le troisième album de Left Field, soit Alternative Light Source, paru en juin dernier. Les électronistes se réjouissent, de pouvoir enfin se mettre du nouveau matériel de Left Field dans les oreilles, 16 ans après la parution de leur deuxième album, Rhythm and Stealth. Nous poursuivons la transmission avec la collaboration entre Paul Moss et Feu Joe Papa, deux membres du groupe new-yorkais Controlled Bleeding. Ceux-ci ont réalisé deux albums en duo, soit Music for Stolen Icons 1 et Music for Stolen Icons 2. De ce dernier, nous écoutons à l'instant Tormentor's Song. Take break. Took a trip in the dark. Nous terminions cette séquence avec une des nombreuses pièces composées par les frères jumeaux Clive et Nigel Humberstone depuis qu'ils ont commencé à créer de la musique en 1981 grâce à leur projet In the Nursery. À la suite de leurs deux premiers albums qui sont davantage rock, le duo a rapidement opté pour une musique cinématographique, ce qui a fait la marque de commerce de In the Nursery à travers les années. D'ailleurs, le groupe a réalisé la musique de plusieurs programmes de télévision et de longs métrages, en plus de s'amuser à recréer les trames sonores de quelques films anciens. Quant à la pièce que nous avons écoutée, il s'agissait d'Angel Chrome qu'on peut trouver sur l'album Sense, paru en 1991. Avant In the Nursery, c'était Paul Lemos et Joe Papa qui nous offraient Tormentor's Song, tiré d'un des deux albums qu'ils ont réalisé ensemble, soit Music for Stolen Icons 2, paru en 1993. Soulignons que Paul Lemos et Joe Papa sont deux des membres du groupe Controlled Bleeding. Joe Papa est décédé en 2009 alors que Paul Lemos est le seul membre original de Controlled Bleeding à poursuivre l'œuvre du groupe encore aujourd'hui. Voici venu le moment de refermer la boucle musico-temporelle de cette transmission 042 d'Audiomatic avec le quatuor Wave Workers Foundation, dont le membre le plus connu est sans doute Paolo Favatti du groupe Pancow. Nous terminerons donc cette émission avec la pièce Wo Tao de leur seul album In the Whirlpool, paru en 1999. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 043 d'Audiomatic. Nous vous rappelons que nos émissions de chaque semaine sont rediffusées les lundis à 13h et parfois les dimanches à 14h. Mais pour n'en manquer aucune, le mieux est de vous rendre sur notre page facebook.com/audiomatic-cfou où les 41 transmissions précédentes sont archivées et ainsi disponibles en différé. Voici Wave Workers Foundation avec la pièce Wo Tao. Bonne semaine.